Blue Goma avec Sanagasus. Merci d'écouter Bleu Goma. Vous êtes sur Aswat. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un trio de choc, une équipe de jeunes blogueurs enthousiastes, tellement férus de blogging qu'ils ont décidé d'en faire un sport, une sorte de compétition. Les blogueurs montent dans un ring virtuel et se vouent une lutte acharnée, une lutte de voix. Les Maroc Blog Awards, ainsi s'intitule cette compétition, dans laquelle les blogueurs les plus célèbres se livrent un combat de tous les diables. Après avoir parlé à Mehdi Rai et à Ahmed Chergaoui, il était temps que je rencontre le troisième mousquetaire qui se trouve être un virtuose. Il se fait appeler Amadeus. Restez connectés sur notre fréquence. Je vous retrouve après cette chanson. À tout de suite. À soit. Est-ce que si on l'avait fait, il ferait l'effet que l'on se fait chaque fois. Si on Maestro Amadeus, bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Amadeus comme Mozart ? Pas forcément, parce que Mozart est plus intelligent, plus génie que moi. Donc, je suis un simple étudiant qui a passé pas mal de temps sur la toile et à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le pseudo de, plutôt le prénom de Mozart. Et le maestro, c'est en référence avec le maestro de, notre maestro du Maroc. C'est celui de la musique populaire, quoi. Voilà. D'accord. C'est curieux. Oui. Alors, disons que vous êtes l'Amadeus des Blog Awards. En quoi consistent vos activités au sein du comité d'organisation? Normalement, j'ai apporté ma touche personnelle en proposant tout simplement le logo du t-shirt du Maroc Blog Award. Ah, parce que vous avez un t-shirt aussi. J'ai déjà fait un croquis sur dessin. Oui. C'était juste avec des crayons en couleur. C'est quelque chose de simple. Après, j'ai refait le dessin sur un logiciel. Hein. C'est du dessin assisté par ordinateur. D'accord. C'est en quelque sorte un logiciel qui nous aide, nous étudiants en génie civil, de faire pas mal de dessins plus précisément sur le bâtiment. Donc moi, j'ai profité de ce dessin pour donner une touche personnelle à ce logo. D'accord. Donc, voilà. Et vos activités au sein du comité d'organisation s'arrêtent là. Voilà. Vous avez fabriqué le logo et puis c'est tout. J'ai donné ma proposition. Je n'ai pas eu encore de réponse, mais je reste optimiste. Déjà être parmi les participants, c'est déjà un honneur pour la première édition du Maroc Blog Awards. Oui. Alors, comment est-ce que cette idée a germé dans vos têtes? Je parle du collectif en général. Ça ne vous semblait pas un petit peu ambitieux? Après tout, les blogueurs sont rarement pris au sérieux au Maroc. Normalement, j'ai suivi la voie plutôt. J'ai atterri dans cette blogosphère grâce à Citoyen Smida. Oui. Donc, il est très connu. Donc, je pense que c'est mon idéal dans la blogosphère marocaine. Ah, donc même pas besoin de vous demander qui vous voudriez plébisciter pour le meilleur blog de l'année. Voilà. Ça sera déjà, Citoyen Smida. Il est déjà élu, donc je pense qu'il sera parmi les chanceux pour avoir ce titre. Et pour les autres nominations. Ah non, pas encore. Venons-en d'abord à la manière dont cette idée a germé dans vos esprits, quoi. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, allez, on va créer cette compétition? Normalement, c'est l'idée des Gadiris. Des personnes qui sont des Gadiris, des blogueurs qui sont des Gadiris. Oui. C'est leur idée. Moi, je suis juste, on peut dire que je suis un intrus. Ah, il a voulu donner sa touche personnelle et c'était normalement. Je peux dire que moi, c'est tout simplement c'était juste après là. Je n'ai rien organisé avec la blogo team. Mm-hmm. Et je suis venu juste à la fin de la conception de le lancement. Oui. Alors, croyez-vous que ce soit une première étape avant la reconnaissance des blogueurs, le fait qu'on organise de telles compétitions? Ça reste au fil du temps. Et aussi, mon initiative actuelle, c'est de vous contacter pour, je ne dirais pas de faire une sorte de pub, mais plutôt pour paraître au monde. Donc déjà, il faut toujours se donner des coups de pouce à soi-même pour bouger, pour apparaître, voilà. Mmh. Est-ce que vous avez été nominé pour une catégorie particulière? Non, aucune. Eh ben, pourquoi ça? Je suis juste un nouveau blogueur sur la scène de la blogosphère marocaine. Oui. Parce que j'ai créé mon blog vers août, la fin d'août. Oui. Et c'était à peu près mon cadeau pour me mettre dans la place de la blogosphère. C'était avec la rentrée scolaire et j'ai écrit pas mal d'articles. Je pense que j'ai à mon actif 32 posts. Mmh. En moyenne, j'ai 3 commentaires par semaine et les visites, c'est de l'ordre de... Pendant ces 5 mois, ça avoisine les 5000 visites. Les 5000 visites par mois? Oui, voilà. 100 000 visites, plutôt 1000 visites par mois. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez participé au Blogotour? Pas encore et je compte y participer cette année. D'accord. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage pour ce qui va suivre. On espère que votre logo sera retenu. Restez avec nous, à tout de suite. À soit. Ladies, ladies, ladies, ladies.

j'ai su bénéficier de mon temps en créant ce blog et par chance, j'ai participé dernièrement à une compétition de Simply Moroccan. C'est une compétition qui regroupait quelques mots arabes, plutôt en arabe dialecte, dans un texte. Donc, une matinée, je me suis connecté sur mon PC, j'ai trouvé l'annonce de la compétition. J'ai participé, j'étais parmi les trois gagnants. Donc, je pense que ça m'a tenu à rester actif. Je sais que le prix était juste symbolique, nominatif, mais... Oui. Mais au moins, ça m'a permis d'être encore plus motivé pour continuer. Vous vous êtes trouvé une espèce de vocation, en quelque sorte. Voilà. Mmh. Alors, qu'est-ce que le blog pour vous ? Quelle doit être sa fonction principale ? Ben, toujours pour informer, pour sensibiliser, et plus exactement pour s'épanouir. C'est, oui. Ça, c'est la chose essentielle. Mmh. Ben, le blog reflète, c'est comme une sorte de miroir. Quand on se réveille, on se regarde dans le miroir. Parfois, on se regarde pas dans le miroir quand on se réveille. On part directement allumer son PC pour voir le nombre de visiteurs, voir s'il y a de nouveaux commentaires. Et comme ça, on évolue. Mmh. Est-ce que c'est d'un point de vue plutôt ludique ou professionnel? Parce que vous parlez en même temps d'épanouissement. Oui. Et en même temps d'information. Ben, les deux. Parfois, je peux avoir une information que je peux pas avoir dans ma vie réelle, ma vie active. Mm-hmm. Par exemple, maintenant que je discute avec vous en radio, je n'aurais jamais eu cette occasion de vivre cette expérience. Si je n'ai jamais fait quelque chose sur la blogosphère marocaine. Oui. Donc ça, c'est en même temps, j'ai développé un contact humain à travers mon blog. Oui. Alors, est-ce que on vous a donné un coup de pouce pour le graphisme ou vous êtes l'auteur de votre propre design? Non, ben, j'ai fait tout simplement du plagiat. Mes propres touches personnelles, je n'ai jamais fait de cours supplémentaires, mm-hmm. ni quand ce soit en Internet. Et c'est pour ça que dernièrement, j'ai associé l'image à la chronique pour donner plus de décor à mon blog. Mm-hmm. Parce voilà. Qu'avant, il n'y avait absolument pas d'image, absolument pas voilà, de vidéo. Il y avait juste du récit. D'accord. Et quels sont les sujets prépondérants dans votre blog? Ben, souvent sur la culture, ma vie personnelle, et parfois ça dépend de mes expériences, et je les classe parfois selon l'intérêt. Par exemple, mon dernier séjour en Iran, je l'ai passé en neige en faisant du surf, plutôt du ski, pardon. Pour la deuxième fois de ma vie, j'ai eu pas mal de coups. D'accord. Graves. Donc, j'ai essayé de prendre une photo et de faire un petit récit humoristique sur le sport. Oui. Alors, qui est plutôt un sport qui n'est pas très connu au Maroc, parce qu'il y a juste deux stations, le Michlifen et le Kaimden au Maroc, et les gens ne se donnent pas trop à ce sport. Mmh. Alors, on parlait donc de choses ludiques. Je voudrais vous poser une petite question par rapport au fait que vous teniez une espèce de journal intime. Oui. Est-ce que ça vous dérange pas trop de raconter votre vie, ben, de vous livrer à des internautes qui ne vous connaissent choquant. Même pas? Oui. Parfois c'est choquant, mais on essaie de remettre en cause quelques questions existentielles chez nous. Et on peut avoir des conseils, par exemple, de certaines personnes âgées, et pourquoi pas de psychologues qui peuvent atterrir dans votre blog. Sinon, ben, on peut avoir l'avis de pas mal de personnes, des amis, des citoyens, comme citoyens militaires, voilà. Oui. Est-ce que un psychologue vous a déjà rendu visite? Oui, bien sûr, pas mal de fois. Et ils étaient étonnés par mon blog, voilà. Parce que parfois, on ne reflète pas réellement notre image dans nos études, par exemple dans notre famille. Et je vous assure que si mon entourage découvre ce blog, ils seront vraiment étonnés, très étonnés même. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence qu'il pourrait y avoir entre l'Amadeus de la vie de tous les jours, oui, et l'Amadeus de la toile? Ben, l'Amadeus de la toile, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas beaucoup de barrières, donc il s'exprime comme il veut derrière une personnalité que presque personne ne connaît pas. Et l'Amadeus de la vie réelle, il a plus de retrait, plus de respect pour les autres. Je pense que c'est ça le cadre de la toile et de la vie réelle. Mmh. Donc la toile, en fait, ou la blogoma, vous sert un petit peu, sert à vous désinhiber un petit peu par rapport à la société marocaine. Voilà. Oui. Donc, quelle est votre lecture par rapport aux diverses arrestations de blogueurs qu'il y a eu en Égypte, en Tunisie, en Arabie Saoudite, par exemple? Ben, je n'ai pas encore eu le temps de découvrir la blogosphère étrangère. Donc, oui. Mais si vous passez par exemple par les... Je reste sur la blogosphère marocaine, mm-hmm, quelquefois les Marocains résidant à l'étranger aussi. Ben voilà, justement, si vous passez régulièrement du côté de... Il y a une Marocaine qui était en Égypte, qui tenait un blog, donc je pense, je me rappelle bien, j'ai lu son blog. Il y a d'autres blogs, donc je ne me rappelle pas très bien de certains blogs. Oui, parce que si vous aviez lu, par exemple, les chroniques quotidiennes de l'Arbi, l'Arbi.org, oui, vous seriez rendu compte que, oui, oui, qu'il y a eu des arrestations, notamment en Égypte, en Tunisie. Oui, bien sûr, oui. Et donc, est-ce que vous croyez que ça puisse arriver un jour au Maroc? Ben, ça peut arriver si on touche quelques sujets tabous. Et donc, vous êtes d'accord? Ben, si, normalement, je suis pas d'accord parce que normalement, ça va nier à l'expression, à la liberté de l'expression. Mm-hmm. Donc, vaut mieux régler normalement. La blogosphère marocaine est un terrain pour parler librement. Oui. Donc, je pense qu'on peut critiquer la blogosphère sans pour autant arriver à une arrestation. Mmh. Alors, comment interprétez-vous la multiplication du nombre des blogs au Maroc? On parle de 30 000, voire 40 000 blogs au sein de la blogoma. Est-ce que vous croyez que c'est bon signe? À vrai dire, ça peut être vrai, puisque moi-même, je suis un nouveau blogueur. Donc, je viens de me mettre dans la scène de la blogosphère. En même temps, je n'ai pas une idée réelle de la masse des blogueurs. Donc déjà, je découvre chaque jour plusieurs blogs et je trouve qu'il y a pas mal de blogs qui sont vraiment à applaudir. Mmh. Merci Amadeus, on se retrouve dans un court instant, restez avec Merci. Nous. So confused, but it's alright. Living day by day, I feel so used. That ain't right. I just wanna run and hide, but I don't have the time to cry. And it's alright. It's alright. Alright. Mm. Any thoughts are running through my head. It's alright. Wishing to be somewhere else but here, and it's to see your face. I need a smile in your embrace. I'm all right. It's all right. I'm all right. Yeah. Life can bring us through many changes. It's all right. Never give up. Give up. Know that it's gonna be all right. People come and they go. They go. It's just the way that it goes. Everything is everything. Sometimes the rain, it makes me sad, and it's alright. Some things in the world, they make me mad, and it's alright. In the morning when I see the sun, I know I'm not the only one. Amaljob.com, l'emploi sur Internet pour les cadres et les cadres supérieurs. Consultez nos offres et postulez en ligne. Amaljob.com, révélateur de talents. L'invité de Blogoma. De retour sur Aswad, je suis en pleine discussion avec mon nouvel ami Amadeus. Alors, petite question pour relancer la conversation. Est-ce que vous croyez que le blog puisse un jour déclasser les médias traditionnels tels qu'on les connaît, sur le plan de la quantité d'informations, mais aussi de leur véracité? Ben, c'est fort possible. Par contre, le journalisme professionnel est différent du blogging. Mm-hmm. Par exemple, on peut avoir d'une source inconnue, on peut avoir une information sans qu'on ne sache qu'elle est vraie ou fausse. Mm-hmm. Ça, c'est l'impact du blogging. Mais si on est un journaliste connu, je pense que l'information sera limitée. Oui. Et pour un blogueur, il peut délimiter le sujet s'il peut, mais sans. Par contre, il y a des blogueurs qui font c'est du copier-coller. Mm-hmm. Ils partent, par exemple, sur le site officiel d'un journal, ils copient un article et ils le collent dans un post à lui. Ça, c'est une sorte de blogging que je ne préfère pas. Donc, c'est pour ça que je préfère les touches personnelles de chacun. Mmh. Et par exemple, je vais donner l'exemple de l'Arabie.org. Normalement, c'est un bon chroniqueur comme son rival, Citoyen Hmida. Mmh. Et je peux citer aussi Hditan. C'est quelqu'un, par exemple, qui est plein d'humour et il peut, par exemple, lire quelque chose dans un journal et la transmettre avec son idée. Voilà. Donc, je peux favoriser l'information qui est recyclée en quelque sorte que de l'information qui est la même. Parce qu'il vous paraîtrait plus ludique, peut-être. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous ambitionnez de faire de votre blog un espace professionnel ? Est-ce que ça fait partie de vos projets de professionnaliser, entre guillemets, votre blog ? Actuellement, je n'ai pas beaucoup d'ambition pour le milieu professionnel, mais ça va arriver avec l'expérience du côté de mes études, parce que je me sens encore jeune pour pouvoir faire ça. Et je préfère acquérir beaucoup de choses avant de passer à cette étape-là. D'accord. Quelle est votre opinion concernant les fameux skyblogs ? Ben, franchement... Allez-y, tout le monde pense la même chose, de toute façon. Ce qui me déçoit le plus chez le skyblog, c'est... Il y a la plupart des skyblogueurs, ils se contentent des photos, de quelques petits commentaires, mais ils n'avancent pas vraiment dans leur analyse, dans leur touche personnelle. Donc c'est ça ce qui me déçoit le plus. Mm-hmm. Il y a une certaine concurrence qu'on voit, mais qui n'est pas à la hauteur du blogueur marocain. Oui, ils font plus dans le clubbing qu'autre chose, quoi. Voilà. Et par rapport à Facebook, MySpace, pensez-vous que ces plateformes puissent détrôner un jour le blog ? Ben, ça dépend du futur, donc on peut pas prévoir quelque chose. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ça dépend de la volonté de chaque blogueur marocain. Par exemple, s'il y a une poignée qui a une décision forte, elle peut, et pourquoi pas, avoir un seul réseau marocain de blogueurs. Mm-hmm. Pourquoi pas avoir un Facebook marocain. Donc, ce sera quelque chose de très grand. Oui. Alors, quel est votre avis par rapport aux sujets tabous, entre guillemets, qui sont soumis aux lecteurs, sexe, politique et autres ? Est-ce que ces sujets-là sont bien traités par les blogueurs ? Ben, pas forcément. Parce que il y a des blogs qui généralement se contentent des points de vue personnels sans pour autant voir par exemple l'avis des spécialistes dans même le domaine par exemple de la sexologie. Donc là, c'est normalement quand on fait une étude ou bien un article, il faut être bien documenté pour bien cerner le sujet. Sinon, ça dérape. Merci Amadeus, on observe une pause, le temps d'écouter ce joli morceau de musique et c'est reparti. Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici, que je traverse le désert pour aller voir d'où vient ma vie, dans quelle rue jouait mon père. Moi qui suis né près de Paris, sous tout ce vent, toute cette pluie, je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Et si demain comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre pour chanter au monde mes envies, voyager des années entières. Moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Yeah. de sable brûlant, mais seulement les embruns sous les rouleaux de l'océan. Et toi qui me trouves un peu mat pour ces rues bordées de prairies, un peu trop blanc en couleur de frat pour ces poèmes que j'ai appris, tu es bien le seul que j'oublie, telle l'étoile fidèle à la nuit. Je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Quand elle tombe sur la plaine. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né. De Blogoma. Amadeus, pensez-vous que les blogs puissent être censurés un jour ? Bien évidemment, oui, parce que parfois, normalement, déjà, quand on crée un blog, il y a certaines conditions qu'on accepte dès le début. C'est ne pas nier, je dirais pas la tranquillité de la place publique, mais plutôt ne pas créer de la violence culturelle, par exemple. C'est le cas qui est arrivé dernièrement dans l'affaire du mariage homosexuel. Oui. Donc, il y a eu pas mal de débats, même télévisés, c'était déjà pas mal. Mais normalement, il faut avoir, il faut cerner plutôt une culture, connaître ses limites. Parce que toujours dans le blogging, il ne faut pas trop oser, ni rester trop timide. Donc, on peut critiquer d'une façon humoristique sans pour autant toucher une personne, une certaine personne, par exemple, on peut dire de haut cadre, par exemple, dans des sociétés. Dans ce cas, il ne faut pas viser la personne, mais viser la vision de la personne. Ça, c'est plutôt enrichissant. Et j'ai vu dernièrement ça sur un article de Citoyen Mida qui a pris le modèle d'un journal qui a critiqué les ministres français. Il a voulu faire la même chose concernant les ministres marocains. Donc l'idée était là pour critiquer non pas le ministre en tant que personne, mais plutôt pour ses visions, sa pédagogie par exemple dans sa vision, comment il va par exemple suivre la politique de son gouvernement. Donc voilà. Mmh. Vous arrive-t-il de fureter sur les blogs arabophones? Si oui, qu'en pensez-vous? Ben franchement, depuis que j'ai accédé à mon école, on n'a que des cours en français. Donc j'ai eu pas mal, même si on a eu un cours avec une professeure aimable, Madame Blini, que je salue maintenant, on a eu avec elle des cours vraiment très très agréables. Déjà en langue arabe, et on s'est basé sur la communication. Donc pour moi, je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur le blogging arabophone, parce que déjà on a la plupart de nos cours sont en français, ce qui est bien dommage, mais j'ai préféré rester dans la langue où je m'exprime le plus bien, je dirais. Mmh. Quels sont vos blogueurs préférés? Argumentez votre choix. Alors, on connaît déjà Citoyen Hmida et voilà. Adam Itto. Oui. C'est un agréable adolescent avec ses visions qu'on prendrait pour un vieillard. Oui. Parce il est très mûr pour son âge. Il a des visions extraordinaires. Mm-hmm. Et on aimerait tant avoir beaucoup d'adolescents marocains qui le ressemblent. Oui. Qui est encore Hlidan, je l'ai déjà dit, avec son air humoristique un peu accentué. Oui. Simply Moroccan. Pour son merveilleux travail, elle regroupe pas mal de mots en arabe dialecte pour créer un petit dictionnaire marocain. D'accord. C'est quelque chose de très, très culturel. Oui, de très ambitieux aussi. Voilà, ça demande beaucoup de recherches et franchement, c'est très pénible pour le faire. Mmh. Alors, vous est-il arrivé de recevoir des insultes sur votre blog par rapport à un sujet donné? Pas vraiment des insultes, mais juste des idées qui étaient contradictoires, par exemple. Dernièrement, j'ai eu un commentaire qui m'a rendu raciste, par exemple. C'est-à-dire? Dans un article, j'avais posté pas mal de commentaires, en plus des commentaires de mes lecteurs. Et il y en a un lecteur qui m'a traité de raciste, par exemple. Normalement, dans ce poste, je n'ai pas eu cette idée-là. J'ai demandé donc à mon interlocuteur de mieux s'interpréter. Et normalement, dans ces situations-là, il faut avoir un sang-froid. Et discuter, toujours la discussion est la meilleure des choses, parce que il faut pas avoir des réactions de violence, ça n'arrange rien. Il faut comprendre l'autre pour pouvoir mieux s'exprimer. Mmh. Alors, que pensez-vous de la qualité des commentaires? Ben, j'ai eu pas mal de visites de citoyens Mida, de l'Alamira, de Xuzel. Bon, ce sont des personnalités qui sont très importantes. Mmh. Et même si je reçois par exemple un seul commentaire pour un seul poste, ça me suffit si c'est bien argumenté. Oui. Donc, je suis quelqu'un qui préfère toujours la qualité que la quantité. Mmh. Quel est selon vous le secret d'un bon blog? Ben, tout d'abord, il faut être motivé. Ensuite, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Et il faut toujours rester au bout du fil, ne jamais abandonner son projet, voilà. Et à fur et à mesure qu'on découvre les autres blogs, on apprend et on fait de notre mieux. Mmh. Merci beaucoup Amadeus, on se retrouve dans un court instant, ne quittez pas. Aswad, Weekend. chase blows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Then you better like I sing what my guitar wants to sing. Passons au Maroc Blog Awards. Parlez-nous de l'équipe. Alors, il y a bien sûr les Trois Mousquetaires, mais qui est-ce qui collabore étroitement avec vous en dehors de ce noyau? Normalement, tout seul. À part ma proposition pour le logo du t-shirt. Est-ce que vous avez une idée sur les autres collaborateurs qui ont participé à l'élaboration de ces MBA? Je pense à travers la presse de la Blog Auteur, je pense à Lamira, qui tient également un post sur le logo du t-shirt, et pas mal d'autres blogueurs, mais franchement, je n'ai aucune idée. Parlez-nous des prochaines étapes des Maroc Blog Awards. Je pense qu'à partir du 24 janvier, les deuxièmes votes seront terminés et par la suite, il y aura juste le fameux meilleur blog, puis les autres meilleurs blogueurs dans chaque catégorie. Et je pense que c'est au rôle des Trois Mousquetaires que vous connaissez déjà de déterminer le lieu pour la cérémonie des Maroc Blog Awards. Oui. Alors à présent, racontez-moi pour qui vous allez voter. Si vous deviez choisir entre l'Arbi, Citoyen Hmida, Motik et la Seine, dans la catégorie meilleur blog de l'année, qu'est-ce que vous choisirez? Bien évidemment, Citoyen Hmida. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il est votre ami. Normalement, c'est la personne qui m'a encouragé à mettre le pied dans la blogosphère. Et pas mal de fois, j'ai eu pas mal de conseils pour mieux gérer les commentaires qui sont offensifs, etc. Donc, je dois beaucoup de choses à Citoyen Hmida. Il y a beaucoup de catégories, j'ai oublié les. Alors, meilleur blog politique, vous avez le choix entre l'Arbi, encore une fois, l'Arlossi, Citoyen Hmida et Ibn Kafka. En tout impartial. Voilà. Quel blog incarne pour vous le pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Arbi? Puisqu'il traite beaucoup de sujets politiques, il les maîtrise bien. C'est des sujets politiques plus en rapport avec Sarkozy qu'avec Abbas Fassi, par exemple. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qu'il faut tirer de ces blogs, c'est comment, je dirais pas pratiquer la politique, mais comment voir la politique avec un autre œil. Par exemple, pour moi, cette année, plutôt l'année dernière, pour les élections, je n'avais pas voté parce que, pour juste une raison technique, je n'étais pas dans ma ville de résidence. Mmh. Donc ça, ce sont des problèmes, par exemple, qu'il faut gérer avec le temps. Et pour donner plus de flexibilité aux citoyens pour voter, donc... Oui. Meilleur blog ado, Adamito, Linushka, Bullshitroxy, il y en a plein. Adamito. Oui, pourquoi? Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il mérite vraiment d'être reconnu. Donc, mm-hmm. Voilà. Meilleur blog humoristique? Redditor.blogspot. Parce qu'il a un niveau d'humour. Franchement, on peut se tenir le ventre juste en rigolant. Oui. Et vous trouvez pas que Famator soit plus rigolo que lui? Ben, je n'ai pas beaucoup découvert Famator, mais c'est un point de vue personnel. Donc, eh ben, il faut aller voir famator.blogspot.com. Et au cas où il n'est pas nominé, je vais le nominer pour les prochains NBA. Ok, merci Maestro Amadeus. Amis auditeurs, allez jeter un œil sur le blog d'Amadeus. Maestroamadeus.blog au pluriel.ma. C'est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Rendez-vous la semaine prochaine à 14h comme d'habitude pour d'autres péripéties blogiques. Et n'oubliez pas de nous écrire sur blogoma@aswat.ma. À bientôt. Blogoma avec Sanagasus. والدنيا وشحال كان عليها دو قيمة والحومة والجيران والنخوة دنا زمان كانت الحياة بسيطة وكانت الفرحة ديمة ذكريات كيف كانت المدينة وكيف ولات وشاق الجلد الضار بها قديمة والرحبة الصقاية عقلت عليها اللي كانت جنب الواد كترول معانا فيها كترول معانا فيها قالوا والله أعلم سبب مرض الأولاد سبب قوة الرحبة والأمة والمدينة وشاق الجلد الضار دينا قديمة والمسيد هذاك المسيد اللي مور الدرب اللي ضيق وصغير ومنه يمكن لك تخرج الجامع الكبير والفقيم والبشارة سيدة سيدي زال وبناهم كانوا عمارة وكل شي بالأجل وإلى جيتي تشوف راه بحال بحال تمسيد والعمارة المهم مازال درب ومازال الجمال كبير ومازال الجمال كبير وشاق الجلد الدار للمدينة القديمة هذيك الدار الكبيرة في راس الحومة اللي كان ساكنة تما دابا هذيك الدار وقع عليها الغيار قسموها بيوت ومن بعد نادم معهم الحال ولكن حتى فات الفوت الدار تباعت مقسومة هكذاك بيوت مشاو الخوت وفين يا جماعة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة وشاق الجلد الدار المدينة القديمة و شغلت على دار دينا القديمة. واحد نهار دخلت مع القواس فوق شجرة التوت الوصل القرمون.